L'étrangère, par Clément Caraguel. Par une belle nuit d'automne, un jeune homme et une jeune femme se promenaient sur une grande route qui s'étend dans la partie montagneuse du midi de la France. Leur costume à tous deux offrait le négligé élégant de la campagne. Ils causaient familièrement, se tenant par la main et marchant à pas lents. Quelquefois, ils s'arrêtaient et prêtaient l'oreille aux vagues rumeurs de la nuit, comme pour y démêler un bruit attendu. Un beau chien de chasse à longue soie allait et venait autour d'eux. Assis sur une borne du chemin, à quelque distance, un domestique gardait le fusil et le carnier de son maître. Tout à coup, l'épagneul s'arrêta, flaira au vent et gronda entre ses dents. Les deux jeunes gens s'arrêtèrent aussi et entendirent un bruit semblable au roulement lointain d'une voiture. Ce bruit devint peu à peu plus distinct, et une diligence apparut bientôt sur la route. Alors le domestique se leva et rejoignit ses maîtres. Sans signe qu'il fit, la diligence s'arrêta. Le conducteur descendit de son siège et ouvrit la portière de l'intérieur. Le jeune homme et la jeune femme s'embrassèrent. « Adieu, Christian, » dit la jeune femme. « Adieu, ma sœur, » dit en même temps le jeune homme. Il prit son fusil et son carnier des mains du domestique et monta en voiture. Après avoir embrassé sa sœur une dernière fois, l'épagneul se dressa sur le marchepied. « À bas à Cork, » dit Christian. Le chien rétrograda et courut en jappant, d'un air inquiet, devant la voiture qui venait de repartir. La jeune femme la suivit quelque temps des yeux, puis elle prit, suivie du domestique, un sentier qui serpentait parmi les arbres dans la direction d'une maison de campagne située à peu de distance de la route. Suivons le voyageur. Comme nous l'avons dit, la nuit était fort belle. La lune répandait sa lumière. Christian avait pour compagnon de route un homme et deux femmes. L'une portant une élégante toilette de voyage, l'autre qui était évidemment au service de la première. L'homme, un peu gros, mais d'un extérieur confortable, siégeait dans un coin en qualité de père ou de mari. Christian fit ses remarques d'un coup d'œil. Voyant qu'il n'avait pas affaire à des voyageurs ordinaires, il crut devoir s'excuser du dérangement dont il était cause et, particulièrement, d'avoir introduit dans la voiture un attirail de chasse qui pouvait être un sujet d'inquiétude pour les dames. L'homme gros répondit gracieusement que sa fille Sarah, grâce à son éducation, était exempte de cette pusillanimité de caractère qu'affecte la plupart des femmes et que personnellement, il ne souhaitait pas de plus agréable compagnon de voyage qu'un chasseur. La conversation continua sur le terrain où cette réponse l'avait placé. « Vous avez là un bien beau chien, monsieur, » reprit l'homme gros. « Je m'y connais quelque peu, mais ne craignez-vous pas qu'il ne s'égare en courant après la voiture ?»« Ce n'est pas la première fois que Cork et moi nous parcourons cette route, » répondit Christian. « D'après cela, je peux supposer que monsieur est du pays ?» reprit son interlocuteur, avec une bonhomie naïve, pouvait servir d'excuse à la familiarité de la question. Sarah prononça alors quelques mots en anglais. Son père lui répondit dans la même langue. La voix de l'étrangère avait un timbre charmant de douceur et de jeunesse. Christian cherchait à distinguer les traits de Miss Sarah, mais elle était assise en face de lui dans le coin le plus sombre de la voiture. Il ne put voir qu'un amas un peu confus de chiffons soyeux dont il entendit le frôlement. La jeune Miss portait d'ailleurs un voile qui lui cachait une partie du visage. Sa main seule, appuyée à la portière, recevait en plein les rayons de la lune. Cette main était petite et merveilleusement gantée. D'après ces détails, Christian jugea de l'ensemble. Il résolut de faire durer le plus possible la conversation engagée avec l'anglais, dans l'espoir que Sarah finirait par y prendre part. « Je suis en effet du pays, » reprit-il. « Alors vous n'allez sans doute pas bien loin ?» demanda encore l'homme gros avec une curiosité tenace. « Pas bien loin, en effet, » répondit Christian. « Je dois descendre à l'auberge du Chêne, à quelques lieues d'ici. »« À l'auberge du Chêne, » s'écria l'étranger. « Voilà un hasard singulier. C'est là justement que nous devons nous arrêter, ma fille, sa femme de chambre et moi. Figurez-vous qu'il y a 8 jours, nous arrivons dans cette même auberge en chaise de poste. En tournant l'angle de la cour, le postillon nous verse, sous prétexte qu'il vienne accrocher je ne sais plus quelle affreuse charrette de meunier. Ah, mon Dieu ! Interrompit Christian. Voilà bien faire naufrage dans le port. Mais j'espère que vous n'avez pas été blessé, non plus que mademoiselle votre fille. Sarah remercia par une simple inclination de tête. Nous en avons été quittes pour la peur, continua l'étranger, et pour une voiture considérablement endommagée. Un charron du village voisin est appelé et demande 8 jours pour les réparations à faire. il fallait en passer par là. Mais à quoi employer le temps, seul, dans une auberge isolée au milieu d'une grande route? L'idée nous est venue de monter en diligence et d'aller faire une excursion à T. Nous en revenons avec l'espoir de trouver notre chaise en bon état. Les 8 jours de rigueur expirent demain. Je dois même dire aujourd'hui, ajouta-t-il en tirant sa montre, car il est, si je ne me trompe, 1 heure du matin. De sorte, reprit Christian, que vous ne vous arrêterez pas longtemps à l'auberge du chêne. 1 heure ou 2, juste ce qu'il faudra pour prendre un bouillon et régler nos comptes avec le charron. Et vous? Moi de même, dit Christian. Je compte trouver à l'auberge du chêne un cheval pour me transporter à 2 lieues de là, à la maison de campagne de mon oncle, où je vais passer les derniers jours de l'automne. Et vous emportez votre attirail de chasse, reprit l'étranger. Cela me rappelle mon bon temps, quand j'étais de votre âge et que je battais les bruyères avec de joyeux compagnons. Mais on ne peut pas être et avoir été. Mes jambes de 20 ans ne connaissaient pas la fatigue. Maintenant elles se sont alourdies. J'ai eu sans vanité, je ne dis pas les plus beaux, mais les meilleurs équipages de chasse du pays, des chevaux pleins de feu et des chiens fatigables. Dans le nombre, il me souvient d'avoir possédé des griffons de race française. Cependant, tout mon amour-propre de nationalité à part, j'ai toujours préféré les pointers anglais. « Je vous avouerai, » répondit Christian souriant, « que je ne suis pas très compétent dans la matière. Le steeplechase nous est inconnu. Nous nous contentons modestement du tir. Quelquefois, il nous arrive bien de forcer un lièvre, mais notre science ne va pas au-delà. » Alors s'engagea une discussion sur les différentes qualités de fusil et les diverses espèces de chiens. Chaque interlocuteur raconta son tour de ces histoires, dont la mémoire d'un chasseur n'est jamais dégarnie. Il y avait là de quoi parler jusqu'au jour. Heureusement pour Christian, son voisin, assoupi par le balancement de la voiture, s'endormit peu à peu. La femme de chambre était plongée depuis longtemps dans un bienheureux sommeil. Sarah, qui n'avait pas encore pris part à la conversation, s'adressa alors à Christian. « Veuillez, je vous prie, lui dit-elle, excusez l'indiscrétion de mon père. Sir Elgin a toujours vécu dans ses terres en bon et digne l'air d'Écossais, au milieu d'un cercle de voisins sans façon, et ses habitudes familières, il les a emportées dans son bagage de voyageur. Il n'y a qu'un mal à cela, répondit Christian, c'est que cette familiarité nous a engagés dans un entretien qui n'a dû vous inspirer que fort peu d'intérêt. Du reste, je suis moi-même fils d'un laird de Français, et de plus presque un enfant, de sorte que, loin d'avoir à me plaindre, c'est une marque de considération que m'a donnée Sir Elgin en causant sans plus de façon avec un jeune homme de mon âge. « N'importe, dit Sarah, j'ai vu le moment où mon père allait vous demander les renseignements les plus explicites sur votre personne et sur votre famille. De là, vous sommez d'exhiber votre passeport, n'y avait pas bien loin, et c'eût été reculer singulièrement les bornes de l'honneur que vous prétendez avoir reçu de Sir Elgin. » Vous le calomniez un peu, répondit Christian. D'ailleurs, cette liberté dont vous vous plaignez n'était pas le plus précieux attribut du voyageur. Elle découle naturellement de la situation exceptionnelle où l'on se trouve. Le hasard réunit plusieurs personnes dans une boîte roulante comme celle-ci. Supposez qu'elles se déplaisent réciproquement, du premier coup d'œil. Chacun se hâte de mettre son bonnet de nuit. On dispute énergiquement la place à laquelle on a droit. On s'endort avec de sourds murmures et une méfiance marquée. Les plus timorés n'osent pas même dormir. Lugubre tableau. Achevez, dit Sarah. Dans le cas contraire, on se rapproche comme par enchantement. Toute défiance est mise de côté. On sait que l'on a seulement quelques heures pour satisfaire sa curiosité. On les met à profit. Les questions se succèdent, le temps passe, et l'on se quitte bientôt, quelquefois avec regret, comme de vieux amis qui n'ont plus l'espérance de se revoir. Le paradoxe est complet, reprit Sarah. Cependant, il peut se rencontrer des gens qui, sans regarder leurs voisins de mauvais œil, ne désirent point que la curiosité les prenne à la gorge. Par exemple, dit Christian souriant, les princes qui voyagent incognito, ou bien les chefs de bandits que leurs affaires obligent à prendre la diligence. Cela arrive quelquefois. Une voiture publique vient à passer, un Zampa, un Robin Hood ou un Rob Roy se présente, obtient une place, monte dans la voiture et se fait ainsi transporter par ses victimes jusqu'au lieu où il s'est proposé de les arrêter. Remarquez comme ceci se trouve bien. J'arrive, armé d'un fusil, suivi d'un chien qui peut être dressé à des exercices réprouvés par les magistrats. Je ne porte point, il est vrai, un chapeau à large bord, surmonté d'une plume de coq, mais on ne s'astreint pas toujours à la tradition du costume. Et puis ma casquette de voyage n'est peut-être pas aussi innocente qu'elle en a l'air. Tout à coup, au milieu de la forêt, un coup de sifflet se fait entendre. Mais la décoration me fait défaut. C'est grand dommage qu'il n'y ait pas une forêt par ici. « Vous ne parviendrez pas à m'effrayer, » dit l'étranger en souriant à son tour. « Mon père, aussi indiscret envers moi qu'envers vous, a déjà eu soin de vous apprendre que je ne partageais pas cette propension à la crainte, ordinaire aux personnes de mon sexe. Alors, au bandit, préférez-vous le prince déguisé ?»« Je ne suis pas romanesque à ce point, » répondit Sarah avec une inflexion de voix mélancolique qui donna à rêver à Christian. « Permettez-moi, dit-il, de vous faire part d'une supposition que m'ont inspiré quelques mots de Sir Elgin. Je me figure que Sir Elgin, votre père, habite un manoir gothique, dans quelques gorges des montagnes décrites par Walter Scott. C'est là que vous êtes né et que vous avez grandi. Tantôt intrépide amazone, vous courriez à cheval le long des sentiers déserts, ou bien vous devancez les plus hardis chasseurs à la poursuite du daim des Highlands. Les montagnards vous aiment et vous respectent comme une fée bienfaisante. Ils ôtent leur toque à votre passage lorsque vous descendez dans le glen. Je ne connais pas votre langue, miss, mais je crois que glen veut dire balai. Vos compagnes habituelles sont vos sœurs, les filles de Walter Scott, Flora MacIvor, Diana Vernon, Edith Blenden, Annette Lyle de l'Harpe. Est-ce que tout cela ne vous semble pas un peu romanesque? L'étranger regarda le silence et jeta la dérobée un regard sur Christian. Voilà, dit-elle ensuite, les conséquences d'une indiscrétion auprès d'un homme qui a l'imagination vive. C'est-à-dire que je me suis complètement fourvoyé. Non pas complètement, quoique vous ayez beaucoup exagéré la réalité. Ceci m'impose l'obligation de rétablir l'exactitude des faits, car je ne voudrais pas laisser une aussi singulière opinion de moi à l'ami de mon père. J'écoute, miss, dit Christian. Notre habitation est presque un manoir, en effet, reprit Sarah. Quatre tourelles, réunies par un corps de logis plus moderne, et que les réparations ont encore gâté. Tout cela situé sur une éminence, pas très loin de l'endroit où Walter Scott a placé la demeure du dernier des Ravenswood. Avez-vous lu la fiancée de l'amant mort? Je sais votre Walter Scott par cœur. Et les quatre tourelles avec le corps de logis moderne, je vois cela d'ici. Vous avez de bons yeux. Les yeux de l'imagination, comme vous disiez tout à l'heure. La mer ne peut pas être bien loin du château. Le hasard vous a fait rencontrer juste. En face du château, la mer. Derrière, quelques massifs de châtaigniers. Au-delà, des landes désertes. Plus loin commence une forêt de hêtres et de pins. Nous avons des voisins qui chassent le daim avec mon père et boivent de l'ale le soir, assis autour du vaste foyer où flambe un tronc de chêne. Il m'arrive quelquefois... « Mais vous oubliez la description de vos voisins ?» interrompit Christian. « Je ne voudrais pas être réduit à les inventer moi-même. »« Et comment vous les figureriez-vous » « Jeune, beau, empressé, ayant respiré l'air de Londres ou d'Édimbourg, digne autant que possible de Miss Sarah. »« Notre pauvre Écosse est toujours un peu sauvage, » répondit l'étrangère. « Puisque vous avez lu La fiancée, vous vous rappelez sans doute un certain personnage du nom de Bucklow. » qui n'était pas précisément un modèle de bonne compagnie, quoiqu'au fond il ne manqua pas de cœur ni d'honnêteté. Ils sont six de cette trempe qui siffle des fanfares, en descendant le grand escalier de la maison. Maintenant, puis-je continuer? Achevez, miss. Ainsi que je vous le disais, je monte quelquefois un poney des montagnes, mais je n'assiste jamais au chat de Sir Elgin. Une fois seulement. C'était quelques jours après mon retour du couvent d'Édimbourg, où j'avais passé 3 ans. J'étais témoin de la curée d'un cerf. Cela m'a fendu le cœur de voir l'agonie de cette pauvre bête, traquée dans ses bruyères natales. Vous voyez que je ne suis déjà pas si brave. Du reste, j'ai le moins de rapports possible avec les sœurs et les femmes des amis de mon père. Désirez-vous aussi la description de mes voisines? Je vous les abandonne, miss. Je m'intéressais davantage à vos voisins. Une légère couleur colora peut-être le visage de Sarah. Mais l'ombre de la nuit la protégeait contre la curiosité de Christian. Quoique je vive presque dans la solitude, reprit-elle, il ne m'arrive pas souvent de m'apercevoir de la longueur des journées. Vos occupations sont faciles à deviner, dit Christian. Vous travaillez depuis votre sortie du couvent un grand ouvrage de broderie qui sera encore loin d'être terminé le jour où vous quitterez la maison paternelle. Ce grand ouvrage de broderie occupe la première place parmi les illusions des jeunes personnes qui sortent du couvent. Vous lisez plus que vous ne brodez. Vous faites un peu de musique, votre voix est si douce. L'harpe est l'instrument favori des Anglaises et des jolies femmes. Vous manquez de franchise, interrompit Sarah. Il n'est guère possible que vous m'ayez encore vu distinctement et rien ne justifie votre allusion. C'est vrai, dit Christian. Mais en vous écoutant, je me rappelle toujours une charmante gravure anglaise représentant Annette Lyle, une des plus idéales créations de Walter Scott. Annette Lyle devait avoir votre voix, comme vous devez avoir son doux visage. Je vous vois sous les traits de la fille de Sir Duncan Campbell, assise sur un tertre sauvage, comme une fée d'Écosse, ou bien penchée à votre balcon pendant une nuit d'été, les yeux fixes sur la mer couverte d'une écume d'argent. « Allons, dit Sarah, malgré moi, vous retombez toujours dans le romanesque. Et voilà plus de 2 heures que, tout en blâmant l'indiscrétion de Sir Elgin, nous l'avons dépassé de beaucoup. Mais il y a une chose qui m'a inspiré tout d'abord de la confiance en vous. C'est l'affection que vous paraissiez porter à cette jeune dame que vous avez embrassée en l'appelant votre sœur, lorsque vous êtes montée en voiture. « Cette vue, dit Christian, vous aura peut-être rappelé le souvenir d'un frère bien-aimé. » « J'ai éprouvé, dit Sarah, un sentiment de regret, en songeant que je n'avais pas de frère. » La diligence s'arrêtait pour relayer, et la conversation resta sur ce mot. Un garçon d'auberge passa sur la route, portant un falot allumé qui éclaira vivement l'intérieur. Christian put distinguer la taille svelte de l'étrangère et les traits soyeux de ses cheveux. Mais soit hasard, soit préméditation, Sarah regardait par la portière et son visage resta caché au regard du jeune homme. Les lignes de l'horizon tremblaient dans l'azur du ciel. Des brumes diaphanes flottaient sur les prairies qui bordaient la route. La fille de Sir Elgin resta absorbée dans la contemplation de ce tableau jusqu'à ce que la voiture eût repris sa marche. Elle s'engage alors sous une voûte de grands arbres que les rayons de la lune perçaient par intervalles, de sorte que les voyageurs passaient par des alternatives charmantes d'ombre et de lumière. Christian fut le premier à rompre le silence. « Que vous semble, demanda-t-il, de notre beau pays de France, comme dit la chanson ?»« Je le trouve plus beau que la chanson, » répondit Sarah. « C'est un enchantement pour moi de le traverser, mais c'est dans notre Écosse que j'aime mieux vivre. »« Vous parlez comme cette autre fille de Scott, Mina, l'amante du pirate. »« C'est dans le Highland que je suis né, et c'est dans le Highland que je veux mourir. » Trouvez-vous donc quelque chose d'extraordinaire à cet amour d'une fille des montagnes pour son pays ? Pourquoi cette supposition ? Dit Christian. Je respecte tous les sentiments vrais et légitimes, quoique néanmoins on puisse reprocher aux hommes d'avoir, à un moindre degré que les femmes, l'intelligence du cœur. Ainsi, tout à l'heure, j'ai interprété d'une façon vulgaire l'émotion qu'avait éveillée en vous mon amitié pour ma sœur. J'ai compris comme un homme, pendant que vous sentiez comme une femme. Ma sœur vous aurait peut-être mieux comprise. Quoique j'eus à peine le temps de l'entrevoir, reprit Sarah, votre sœur m'a paru fort belle. C'est surtout l'opinion de son mari, dit Christian. Je me fais, ajouta l'étrangère, une idée sans doute exagérée de ce sentiment qu'il y a un frère à une sœur. Il me semble que si le ciel m'avait donné un frère, j'aurais éprouvé une sorte de jalousie le jour où il se serait marié. Je n'aurais pardonné à ma belle-sœur que si j'avais vu qu'elle lui donna tout le bonheur que j'aurais rêvé pour lui. N'avez-vous rien éprouvé de semblable ? Vous qui n'avez pas eu de frère, répondit Christian, vous ne sauriez comprendre tout le charme de ces premiers temps de la vie qu'on passe à deux sous le toit paternel. Querelles et bouderies charmantes pour des riens, raccommodements délicieux. L'enfance contient dans son germe, avec la fraîcheur du bourgeon, tout l'amour qui se développera dans les cœurs quelques années plus tard. À l'âge de 10 ans, une petite fille fait déjà sur son frère l'essai de ses caprices qui font un jour le désespoir d'un amant. Viennent ensuite de longues promenades au soleil couchant, dans les allées ombreuses du jardin, des lectures interrompues par des causeries qui commencent à devenir sérieuses. Enfin, un jour, se présente un étranger qui emmène votre sœur. Mais la meilleure part d'elle-même vous reste. Vous avez reçu ses premières confidences et respiré le parfum le plus pur de son âme. Vous voyez bien que je ne peux pas être jaloux du mari de ma sœur. Quel feu vous mettez à vos paroles, dit Sarah, avec une ironie calculée, pour combattre la tournure sentimentale que prenait la conversation. « Que voulez-vous ? » répondit Christian. « C'est encore la seule histoire de cœur que j'ai à raconter, et le premier bonheur que je sois redevable au hasard. » « Pourquoi ne pas en remercier Dieu plutôt que le hasard ?» reprit Sarah. « Ce n'est pas ma faute, dit Christian, si je suis un enfant d'un siècle sans foi. Quand je passe sous les sombres arceaux d'une église gothique, je me sens triste et recueilli. Quand l'orgue gémit sous les voûtes, j'ai le cœur serré et je frissonne. Mais la musique me fait le même effet à l'opéra, et un sentiment n'est pas une croyance. Non, mais c'est déjà quelque chose que de sentir. Cela conduit à croire. Que de plaisir j'aurais à vous convertir. Essayez, répondit Christian. Jamais docteur en théologie ne rencontra un auditoire mieux disposé à recueillir la manne de ses paroles. Je craindrais de passer dans votre esprit pour une vieille fille dévote, exclusivement occupée de marmotter ses pattes nôtres. Hélas, quelquefois moi aussi, je me reproche ma tiédeur. Ma religion est peut-être plus dans mon cœur que dans ma tête. Il me semble souvent que je suis plus superstitieuse que croyante. Mais c'est là encore du patriotisme. La superstition existe en Écosse, dans le vent qui passe, dans les brouillards qui couronnent les pics, dans les traditions que perpétuent les récits des bergers. À propos de traditions, dit Christian, il n'est guère d'ancienne famille en Écosse qui n'est la sienne. Sans doute il doit en exister quelqu'une concernant les Laird d'Elgin. Ces récits sont un peu passés de mode maintenant, répondit Sarah. Néanmoins, voici une tradition relative à notre famille, et c'est la seule dont je me souvienne. On chantait même une ballade sur ce sujet, mais cette ballade est perdue. Il était une fois une fille d'Elgin, renommée pour sa beauté. Elle devait épouser un jeune comte du voisinage. Peu de temps avant le jour fixé pour la célébration du mariage, le jeune homme fut obligé de s'embarquer pour les Indes. Ce ne fut pas sans regret et sans larmes que la fiancée le vit partir. Elle lui donna comme gage de sa fidélité une bague dont le chaton était formé de deux mains jointes. Après 2 ans d'absence, le comte revint, mais sa fiancée ne l'attendait plus. Il la retrouva mariée. Il ne proféra aucune plainte et se contenta de renvoyer à la femme qu'il avait trahi le gage menteur de son amour. Le désespoir le poussa ensuite à prendre parti dans les troubles politiques qui désolaient l'Écosse. Vaincu et fait prisonnier, il fut décapité à Stirling. Le jour même de son exécution, mon aïeul trouva une tache de sang sur le chaton de la bague. Elle mourut jeune, déchirée par ses remords, la tête remplie de visions funèbres. La bague se transmit dans la famille, et on prétendit que le malheur s'attacherait toujours à une fille d'Elgin, jusqu'à ce que la bague aux mains jointes, entrée dans la maison par l'amour, en fût sortie par l'amour. Et la prédiction s'est-elle accomplie ? Demanda Christian. Je me souviens, reprit Sarah, d'avoir vu cette bague à la main de la sœur de mon père. Son fiancé tomba de cheval et mourut sur le coup la veille de son mariage. Elle se retira dans un couvent de Glasgow. Le jour de sa mort, elle donna la bague à ma nourrice pour me la transmettre. Je la porte toujours à mon doigt, et je n'ai pas la force de m'en séparer, quoiqu'un prêtre me dit que c'était une superstition réprouvée par l'Église. Mais ce sera sans doute la dernière marque de respect donnée par une fille d'Écosse aux croyances des temps passés. En parlant ainsi, l'étrangère retira le gant de sa main gauche et de son index une bague qu'elle présenta à Christian. Le jeune homme la prit et reconnut, malgré l'obscurité, le symbole des mains jointes. Ensuite, en rendant la bague à Sarah, il saisit la main qu'elle avançait pour la reprendre et baisa l'extrémité de ses doigts fins et blancs comme le marbre. Sarah tressaillit et se rejeta en arrière. Le cœur de Christian battait avec force. Se repentant presque d'avoir abusé de la confiance de sa compagne de voyage, le jeune homme gardait un silence pénible. Il observait l'étrangère qui lui paraissait en proie à cette agitation fiévreuse que provoquent les larmes. Les teintes plus blanches de l'Orient annonçaient l'approche du jour. La diligence s'arrêta bientôt devant l'auberge du chêne. Les voyageurs se réveillèrent. Sœur Elgin et Christian descendirent. La femme de chambre les suivit. Christian se présenta devant le marchepied pour donner la main à Sarah. Le voile de l'étrangère était baissé. Elle remercia Christian d'un mot et prit la main de son père. Sœur Elgin s'informa de la chaise de poste. On lui répondit qu'elle était réparée de la veille. Il demanda un appartement et recommanda à l'aubergiste de lui tenir des chevaux prêts dans 2 heures. Personne n'était venu pour Christian de la part de son oncle. Il demanda une chambre et s'y enferma, tout au souvenir de Sarah, craignant de l'avoir offensée, amoureux à la folie et livré à des préoccupations d'autant plus déraisonnables que l'étrangère allait partir et que, selon toutes les apparences, il ne la reverrait plus. Enfin, cédant à son idée fixe, il demanda du papier de l'encre, écrivit et déchira successivement 20 billets, et finit par s'arrêter à celui-ci, ne sachant pas du reste s'il trouverait l'occasion de le remettre, et si même, cette occasion trouvée, il oserait la mettre à profit. Pardonnez-moi, Miss Sarah, l'offense dont je me suis rendu coupable, car je ne puis supporter l'idée que vous vous éloignez, le cœur plein de mépris. C'est comme un vertige qui m'a pris en touchant votre main. Quelles heures délicieuses j'ai passées près de vous, comme je sentais l'amour me venir avec chacune de vos paroles. Malgré ce voile inexorable qui m'a caché votre visage, je vous aime et vous allez partir. Réunis un instant, nous allons être séparés à jamais. C'est mon mauvais génie qui a évoqué cette apparition fugitive, pour me laisser ensuite des regrets amers. Ma folie ne va pas jusqu'à l'espérance, mais je souffre. Ayez pitié d'un pauvre fou qui voudrait bien ne pas vous avoir rencontré. J'étais si heureux et si tranquille avant ce jour. À peine parti, il ne vous restera plus aucun souvenir de votre compagnon de voyage. Mais, si oublieuse que vous soyez, je ne vous perdrai pas tout entière. Bien souvent, dans le silence de la solitude, je verrai s'asseoir à mes côtés le doux fantôme de Miss Sarah. Christian. Il faisait déjà grand jour. Christian mit la tête à la fenêtre, en réfléchissant aux moyens à prendre pour faire parvenir sa lettre à Miss Sarah. La femme de chambre traversait la cour de l'auberge, chargée d'un paquet qu'elle laissa dans la chaise de poste. Christian attendit son retour, et comme elle remontait l'escalier, il l'arrêta et parvint à la décider, après de longues hésitations, à se charger du billet. Le jeune homme rentra chez lui un peu inquiet des suites de sa hardiesse. Il se représentait la manière dont l'étrangère accueillerait sa lettre. Il lui semblait voir Sarah refusant de l'accepter, ou la jetant au feu sans la lire, ou bien encore la lisant avec un sourire de mépris et ne songeant guère à répondre. Au plus fort de son anxiété, il entendit frapper discrètement à la porte. Il ouvrit en tremblant. La femme de chambre lui glissa un papier cacheté et disparut aussi lestement qu'elle était venue. Voici en quels termes était conçue la réponse de Sarah. « Je n'ai pas la force de vous en vouloir. Je vais partir et bientôt, il serait trop tard pour vous dire que je vous pardonne. Mon souvenir vous restera, dites-vous. Pour le fixer plus longtemps, je vous envoie la source innocente de notre querelle, la bague aux mains jointes. Vous savez la tradition qui s'y attache. Je romps le charme, mais je crois bien que ce ne sera pas à mon profit. Promettez-moi de ne donner jamais cette bague à une autre femme, si éloignée que je fusse. Il me semble que je sentirai le rincement de cœur qui m'avertirait de votre trahison. Du fond de l'Écosse où je reviens, je penserai quelquefois à cette France que j'ai traversée comme dans un songe. Ne regrettez point de n'avoir pas vu mon visage. Peut-être n'auriez-vous pas aimé. Les fantômes perdent bien souvent à être regardés de trop près. Quand vous reverrez votre sœur, embrassez-la pour moi. Dieu lui a donné la beauté. Hélas, être belle, c'est presque être heureuse. Sarah Elgin. La lettre contenait en effet la bague symbolique. Christian resta à réfléchir à la singularité de cette aventure jusqu'au moment où il entendit le piétinement des chevaux dans la cour. Il descendit, la chaise de poste était prête au départ. Le postillon faisait claquer son fouet. Sarah et sa femme de chambre étaient déjà dans la voiture. Sœur Elgin, en apercevant Christian, vint prendre congé de lui. Ils échangèrent les formules d'usage, Sarah fit de la main un signe d'adieu à Christian, et la chaise roula sur la grande route. Pendant que Christian la regardait s'éloigner, un homme s'approcha et parvint, non sans peine, à le tirer de sa rêverie. C'était le domestique que lui envoyait son oncle. Christian se laissa emmener, monta à cheval et suivit son guide, sans mot dire et avec la gravité d'un somnambule. Parfois il lui semblait qu'il était le jouet d'une illusion. Alors il regardait la bague aux mains jointes et la touchait pour s'assurer qu'il avait toute sa raison. Pendant les premiers jours qu'il passa chez son oncle, on le plaisantait souvent sur sa taciturnité et ses distractions singulières. Plus tard, les plus douces réalités ne purent lui faire oublier entièrement ce rêve d'une nuit de voyage. Ainsi s'achève L'étrangère, par Clément Caraguel.